السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إن شاء الله قراءة في خطبة مكتوبة لفضيلة الشيخ عبد الله خياط رحمه الله تعالى. نحاول مستعينين بالله عز وجل أن نقرأها وأن نقدم ترجمة لما تضمنت من معاني جليلة، وبالله التوفيق. فقال الشيخ رحمة الله عليه: الحمد لله الكريم المنان، أحمده سبحانه وهو البر الرحيم عظيم الشان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوضح فضل المؤمنين وامتدح فعالهم في محكم القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى وأظهر دينه على عموم الأديان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. Donc ce qui suit est une lecture d'un sermon écrit du noble cheikh, le défunt Abdullah Khayyat, qu'Allah lui fasse miséricorde. On va donc essayer de lire ce sermon-là en langue arabe et petit à petit de présenter une tentative de traduction des différents sens éminents contenus dans cet écrit de ce noble savant qu'est le cheikh Abdullah Khayyat. Il a dit: l'ensemble des louanges reviennent à Allah, le généreux, le grand donateur. Je lui adresse les louanges, pureté à lui. Il est certes le grand charitable, le très miséricordieux et l'immense et sublime. J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé, celui qui a clairement exposé les mérites de ceux qui ont la foi et a loué leurs actes dans le Coran. En outre, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'Allah a envoyé accompagné de la bonne direction et dont il a secouru la religion face à l'ensemble des autres religions. Ô Allah, couvre d'éloges et salue ton serviteur et messager Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Amma ba'd. فيدخل الآن الشيخ عبد الله رحمة الله عليه في صميم الموضوع، وهي خطبة متعلقة بصفات المؤمنين. فقال: أما بعد، فيا عباد الله، مثل الإيمان في قلب المؤمن كمثل الشجرة الطيبة تنبت أطيب الثمار، وإن العمل الصالح هو ثمرة الإيمان الذي انغرست جذوره في قلب المؤمن يبلغ به أقصى درجات الفلاح. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم فسر إيمانهم بجليل ما يعملون وعظيم ما يكسبون مما تتحقق لهم به الغاية التي إليها يسعون وفيها يؤمنون. قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. Donc le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, est ensuite entré dans le vif du sujet, sachant que ce sermon traite des caractéristiques de ceux qui ont la foi. Il a donc dit, après cette introduction que vous venez d'entendre et dont vous venez d'entendre une proposition de traduction: Amma ba'd, ensuite, chers serviteurs d'Allah, la foi dans le cœur de celui qui l'a est à l'image d'un bon arbre, laissant pousser les meilleurs fruits. Les œuvres pieuses sont d'ailleurs les fruits de cette foi dont les racines sont fermement plantées dans le cœur de celui qui a la foi, œuvres par lesquelles il atteint les plus hauts degrés de la réussite. L'exalté a dit « Qad aflaha al-mu'minun » dans le verset numéro 1 de la sourate al-mu'minun. Il a dit dans la traduction approchée du sens de sa parole « Ont certes réussi ceux qui ont la foi ». Suite à quoi il a exposé leur foi en détaillant les belles œuvres qu'ils accomplissent et les grandes initiatives qu'ils entreprennent, autant de causes favorisant la concrétisation des objectifs qu'ils cherchent à atteindre et dont ils espèrent l'obtention. L'exalté a dit, dans les versets suivants de la sourate al-Mu'minun, « Allazina hum fi salatihim khashi'un » Ils sont ceux qui, dans leurs prières, sont recueillis. والذين هم عن اللغو معرضون qui des futilités se détournent والذين هم للزكاة فاعلون qui s'acquittent de la zakat والذين هم لفروجهم حافظون qui préservent leur sexe إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين excepté de leurs épouses ou de ce qu'ils possèdent comme esclaves car ils n'encourent pas de blâme à leur sujet. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Quant à ceux qui chercheraient à aller au-delà de cette limite, ils seraient certes les transgresseurs. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Ceux qui ont la foi sont également ceux qui sont attentifs aux engagements et pactes qu'ils prennent et contractent. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Et qui sont assidus à leurs prières. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه الآيات من سورة المؤمنون فذكر سبحانه في طليعة أعمالهم الصالحة خشوعهم في الصلاة. قال الحسن البصري رحمه الله كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا لذلك أبصارهم وقال غيره هو أن لا يعبث المرء بشيء من جسده في الصلاة. ومن هذا الوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هنا أشار الشيخ عبد الله خياط رحمة الله عليه إلى هذا الحديث، وليعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف بل هو حديث موضوع، وقد أبان عن ذلك الشيخ الإمام محدث العصر الشيخ الألباني كما في إرواء الغليل في المجلد الثاني الصفحة 92، فقد ذكر أن هذا الحديث لا يصح بل أنه حديث موضوع، كما أنه أشار إلى أنه روي موقوفا على سعيد بن المسيب وهو لا يصح أيضا من هذا الوجه. فقال رحمه الله في ختام هذا البحث من إرواء الغليل عن هذا الحديث فهو لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، والمرفوع أشد ضعفا بل هو موضوع، وكأنه لذلك لم يعرج عليه البيهقي فلم يريده في سننه الكبرى على سعتها، وإنما أورده موقوفا معلقا، والله سبحانه أعلم. نعود إلى كلام الشيخ في هذه الخطبة النافعة، فقال بعد أن ذكر كلام الحسن البصري وكلام غيره وبعد أن ذكر هذا الحديث الذي أشرنا إلى أنه حديث لا يصح بل أنه حديث موضوع، قال عن سلفنا الصالحين وكان فيهم من لو قطعت أوصاله وهو في الصلاة لما وجد منه حراك، كل ذلك من خشوع القلب والتلذذ بمناجاة الرب جل وعلا والشعور بعظمته. Après avoir cité ces quelques versets de la sourate Al-Mu'minun, le Cheikh Abdullah Khayyat a dit à propos de ceux qui ont la foi, à la tête de leurs œuvres pieuses, il a donc fait mention, pureté à lui, de leur recueillement dans la prière. Al-Khushu' fi salah, le recueillement dans la prière. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le recueillement habitant leur cœur, leurs regards se sont baissés. Autre que lui, c'est-à-dire parmi les anciens de cette communauté, a dit, à propos donc du recueillement dans la prière, Al-Khushu' fi salah, cela consiste en ce que l'individu ne se laisse distraire par quoi que ce soit durant sa prière. Dans ce sens, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir vu un homme se laisser distraire par sa barbe durant la prière, si le cœur de cet homme s'était recueilli, ses membres se seraient également recueillis. Il est à noter ici que le hadith cité par le Cheikh est un hadith dont la transmission est faible, voire inventée. Comme l'a exposé le Cheikh, l'érudit, l'imam, le Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, dans le volume 2 à la page 92. Il a également fait mention du fait que cette parole est aussi attribuée à Sa'id ibn Musayyib. Cependant, sa transmission est également faible. Bien que son degré de faiblesse, c'est-à-dire lorsqu'il est attribué à Sa'id ibn Musayyib, est moins prononcé que lorsqu'il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ferme cette parenthèse et je reviens au propos du Cheikh, qui en parlant des anciens de cette communauté, a dit, parmi eux, il en était qui n'auraient pas bougé si les membres de leur corps avaient été coupés alors qu'ils étaient en prière. Tout cela résultant du recueillement habitant le cœur et de la délectation ressentie en s'adressant intimement au Seigneur souverain Jalla wa Ala et du fait de ressentir son incommensurable immensité. ثم قال رحمه الله ثم ذكر سبحانه من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو وهو الباطل في مختلف ألوانه يصل إلى درجة الشرك بالله وينخفض إلى إتيان كل قول أو فعل لا فائدة فيه أو على الإنسان منه نقص في دينه يدخل في ذلك اللعن والشتائم القذرة ويدخل فيه اللهو في كل صوره وأشكاله. Suite à cela, Allah, pureté à lui, a fait mention, donc toujours dans ces versets de la sourate Al-Mu'minun, parmi les qualités de ces gens qui ont la foi et connaissent la réussite, du fait qu'ils se détournent des futilités, correspondant aux différentes manifestations du faux, Al-Batil, allant jusqu'au degré d'attribuer un associé à Allah, ce que l'on appelle Ash-Shirk, Shirku Billah, et incluant également la profération ou l'accomplissement de toute parole et de tout acte ne contenant aucun profit ou portant préjudice à la religiosité de l'individu. Cela inclut également le fait de maudire ou de proférer de grossières injures, de même que de manière globale, toutes sortes de futilités. ثُمَّ قَالْ رَحِمَهُ اللَّهِ وذكر سبحانه من صفات المؤمنين قيامهم بإخراج زكاة أموالهم كيفما كانت الأموال ذهبا أو فضة عروض تجارة أو سائمة من الأنعام أو ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار. فالزكاة حق المال وفريضة لا فضل في إخراجها لصاحب المال، وهي طهرة ونماء للمال وخير وبركة لصاحبه وصلاح وفلاح لمجتمعه. الله عز وجل قال في منزيون parmi les qualités de ceux qui ont la foi de leur acquittement de la zakat liée à leur bien, que ces derniers soient de l'or ou de l'argent ou encore de la marchandise destinée au commerce ou même des bêtes de pâturage, voire des fruits de la récolte de la terre, tels que les différentes variétés de graines et de fruits. La zakat correspond donc au droit des biens et est obligatoire. Il ne s'agit pas d'un acte de générosité volontaire dont se targuerait celui qui l'accomplit. Elle est un moyen de purifier les biens et de les faire fructifier et est source de bien et de bénédiction pour celui qui s'en acquitte, de même qu'elle concourt à la piété et à la réussite de la société dans laquelle il vit. ثم قال رحمة الله عليه وذكر سبحانه من صفات المؤمنين عفتهم عن الحرام وحفظ فروجهم عن الوقوع في جريمة الزنا أخطر مرض اجتماعي منيت به الإنسانية. فهو إلى جانب جريمته على الأنساب يفتك بالبشرية فتكا ذريعة حيث يفشو فيها الزهري والسيلان ومضاعفتهما المهلكة. وكفى بالمرء زاجرا عنه قول العليم الخبير ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من تطلع إلى غير ما أحله الله له من الزوجات والإماء من ملك اليمين كأن تورط في الزنا فقد اعتدى وتجاوز الحلال إلى الحرام. Allah pureté à lui a également fait mention parmi les qualités de ceux qui ont la foi de leur chasteté face à l'interdit et de la préservation de leur sexe, en exposant le fait que ceux qui ont la foi se tiennent loin du crime de la fornication, constituant le plus dangereux des fléaux sociaux menaçant l'humanité. En effet, en plus de détruire criminellement les filiations et lignages, la fornication détruit l'humanité de manière foudroyante du fait que, par sa cause, se répandent syphilis et blénorragie, ainsi que les différentes maladies sexuellement transmissibles qui y sont assimilées. En réalité, le fait que celui qui détient le parfait savoir de ce qui est apparent et caché a dit « وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » N'approchez pas la fornication, c'est certes là une turpitude et une bien mauvaise direction. Surat al-Isra, verset numéro 32. Le fait qu'Allah a dit cela devrait suffire à l'individu comme argument de dissuasion, de même que sa parole, Azza wa Jal, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Correspondant donc au verset numéro 7 de la sourate Al-Mu'minun. Quant à ceux qui chercheraient à aller au-delà de cette limite, ils seraient certes les transgresseurs. Cela indique que celui qui chercherait à entretenir des relations avec autres que ce qu'Allah lui a permis, tels que ses épouses et ce qu'il possède comme esclaves, et s'empêtrerait à titre d'exemple dans la fornication, aura été outrancier et aura dépassé les limites du licite en se dirigeant vers l'interdit, l'illicite. ثم قال رحمه الله وذكر سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين أداءهم للأمانات إذا اؤتمنوا ووفاءهم بالعهد إذا عاهدوا وأعظم الأمانات فرائض الله التي افترضها على العباد فهي كالودائع عليهم أن يؤدوها حق الأداء. Allah subhanahu wa ta'ala a également fait mention parmi les qualités de ceux qui ont la foi, de leur respect des engagements lorsqu'on leur fait confiance, et de leur fidélité au pacte qu'ils contractent, sachant que le plus grand des engagements qu'il leur incombe de tenir réside dans l'accomplissement des obligations imposées par Allah à ses serviteurs. Ces obligations sont-elles des dépôts? Il leur incombe donc obligatoirement de les accomplir comme il se doit. قال رحمه الله وختم سبحانه صفات المؤمنين المفلحين بمحافظتهم على الصلاة كما بدأها بذلك توجيها للأنظار إليها وإلى ضرورة المحافظة عليها فهي أعظم وسائل الفلاح والنجاح ثم ذكر عظيم أجرهم وحسن جزائهم فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ذلكم يا عباد الله فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Puis Allah a clôturé la mention des qualités de ceux qui ont la foi et qui sont voués à la réussite en disant qu'ils sont fidèles à la prière. De la même manière qu'il avait placé cela en première position, c'est-à-dire au début de ces versets contenant la description de ceux qui ont la foi. Et ce, afin d'attirer l'attention vers elle et vers le caractère impératif du fait d'y être fidèle. Car elle est le plus grand moyen d'atteindre la réussite et la félicité. Puis, Allah fit mention de la grande récompense qui leur revient et de la bonne rétribution qui leur est réservée en disant « Ulaika humul warithoun, alladhina yarithoun al-firdaus, hum fiha khalidoun » Ceux-là sont les héritiers, héritant du plus haut degré du paradis, Al-Firdaus, où ils seront éternels. Verset numéro 10 de la sourate Al-Mu'minun. Telles sont les faveurs d'Allah, qu'il accorde à qui il veut. Allah est certes le détenteur d'immenses grâces et faveurs. Fattakullaha ibadallah. Wa tarassamu nahja salihin. واصرفوا الجهود في طاعة الله تكونوا من المؤمنين المفلحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نفعني الله وإياكم بهدي كتابه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ensuite, le Cheikh a clôturé son discours en disant: craignez donc pieusement Allah, ô serviteur d'Allah, cheminez sur la voie des pieux et concentrez vos efforts dans l'obéissance à Allah. Vous compterez alors parmi ces gens ayant la foi et étant comblés de réussite. Allah a dit: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ceux qui ont la foi, accomplissent des œuvres pieuses et s'humilient devant leur Seigneur souverain, ce sont eux qui sont les habitants du paradis dans lequel ils seront éternels. Verset 23 de la sourate Hud. Allah me fasse profiter ainsi qu'à vous de la bonne direction résidant dans son livre. J'ai tenu le discours que vous avez entendu, et je demande pardon à Allah l'immense en ma faveur, la vôtre, et en celle du restant des musulmans pour tout péché. Demandez-lui donc pardon, il est certes celui qui pardonne abondamment, et fait immensément miséricorde. Et c'est sur cela que se termine cette tentative de traduction de ce magnifique sermon du Cheikh Abdallah Khayyat. Allah subhanahu wa ta'ala le récompense en bien. Et lui fasse miséricorde et qu'il fasse miséricorde à l'ensemble des ulama et préserve ceux qui parmi eux sont encore en vie. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.